Votre pensée est votre espace privé et Satan ne peut absolument pas la contrôler à moins que vous ne lui permettiez. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. La plupart des entreprises sont dotées d'ordinateurs pour exécuter leurs opérations normales. Les bureaux et les comptoirs sont jonchés de terminaux, de claviers et de modems. Mais toute cette panoplie est inutile sans les logiciels invisibles qui rendent le système fonctionnel. Quant à nous, nous agissons un peu de cette façon. Si nous programmons notre cerveau avec des pensées pures, nous pouvons nous attendre à une conduite pure. Au contraire, un cerveau rempli de pensées impures exprimera un mode de vie impur. La transformation de notre pensée n'est ni facile ni rapide, mais les résultats sont surprenants. Apprenez comment transformer votre manière de penser alors que Charles Stanley effectue avec nous un retour aux sources. Nous avons entre les deux oreilles notre cerveau, le siège de notre pensée. Et il est une des créations les plus impressionnantes de Dieu. Il possède entre 12 et 14 milliards de cellules. Par comparaison, si nous pouvions placer dans le même endroit tous les systèmes électroniques de toutes les stations de radio et de télévision du monde, cela n'atteindra pas la capacité contenue à l'intérieur de notre boîte crânienne. L'homme n'a pu construire et ne sera jamais capable de construire un ordinateur comparable à la puissance de la pensée humaine. Nos pensées déterminent notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, nos succès, nos échecs, nos actions et la direction de notre vie. Tout cela est la conséquence de notre façon de penser. Mais si vous êtes assis devant votre téléviseur et qu'on vous pollue l'esprit, que se passe-t-il? Vous écoutez le son des voix, vous regardez les images et votre pensée photographie tout ce que vous voyez. Tout s'enregistre dans votre cerveau et votre pensée. Et ce que vous venez de voir et d'entendre fait maintenant partie de votre vie et s'inscrira dans votre processus de pensée. Et cela se mélange à tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez ressenti et tout ce que vous avez vécu. Personne ne peut rester assis le soir pendant 3 ou 4 heures, soir après soir, mois après mois, année après année, à avaler tout ce qu'on nous dit à la télé pour ensuite espérer mener une vie chrétienne. C'est impossible! Parce qu'à force d'avoir l'esprit pollué, nous pensons comme on nous force à penser. Nous agissons comme on nous suggère d'agir et nous finissons par être totalement imprégnés. Le problème, c'est que nous avons accepté la pensée de la culture ambiante. Ce que l'on considérait autrefois comme un péché ne l'est plus maintenant. Les valeurs ont changé. Aujourd'hui, dans notre société, de nombreux dirigeants contrôlent ou tentent de contrôler la pensée des citoyens. Ils ont à ce point réussi à infiltrer nos cerveaux que nous pensons maintenant comme le monde pense. Et quand le monde observe les chrétiens agir, il peut bien dire « Je ne vois pas beaucoup de différence. » Pourquoi? Parce que nous avons laissé le champ libre à la pollution. Nos esprits sont inondés. Nous avons donc accordé l'accès à la culture du monde, nous avons accepté les processus de pensée contemporains, leur explication, leur rationalisation et leur philosophie athée. Nous avons une société qui reflète le système du monde, une société sans Dieu. Car nous avons délibérément décidé d'éjecter Dieu de cette société pour vivre comme nous le voulons. Et nous en subissons les conséquences. Violence, crime, meurtre, viol, bain de sang. Aucune honte, aucune culpabilité, mais simplement un mode de vie qui prétend, philosophiquement, « Il n'y a plus de Dieu, ni rien de religieux ou de spirituel. Fais ce que tu veux et profite de la vie. » N'est-il pas paradoxal de constater qu'il semble y avoir moins de joie, moins de plaisir, plus de dépression, plus de gens gavés de pilules et plus de suicides qu'auparavant? La raison est très simple. Nous sommes devenus tellement orgueilleux que nous avons conclu que nous connaissions mieux que Dieu. Comment nous assurer la joie, le plaisir et le bonheur? Voilà le problème. même les chrétiens pensent comme les gens pensent. Or, si nous pensons comme eux, nous agirons aussi comme eux. Et si nous agissons comme eux, qu'arrivera-t-il au sel de la terre, à la lumière dont Jésus parlait? Il disparaîtra, et tout sera très, très gris. Ouvrons maintenant notre Bible dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2. Il mérite vraiment un coup d'œil au verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais écoutez bien ceci. Or, nous avons la pensée de Christ. Quand avons-nous acquis la pensée de Christ? Au moment de notre conversion. Le Christ est venu habiter en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit et nous habitons en lui. Or, quand nous avons fait confiance à Jésus-Christ comme sauveur personnel, il n'a pas seulement pardonné nos péchés et effacé toute notre culpabilité passée, mais il nous a donné sa pensée. Cela signifie que nous avons maintenant la possibilité de penser de la même façon que lui, si nous le voulons, et si nous permettons l'implantation de ce processus qui régénère notre pensée. Nous nous mettons alors à penser comme Jésus. La Bible affirme clairement que nous avons la pensée de Christ. Si nous voulons reprogrammer ma pensée, premièrement, nous devons reconnaître que nous pouvons maintenant penser comme le Seigneur Jésus-Christ veut que nous pensions à propos de notre vie, de vous, de Dieu, de la culture et du monde dans lequel nous vivons, en plus de nos responsabilités. En tant que chrétiens, nous avons maintenant la capacité de penser avec droiture, sainteté, justice, bonté, pureté, gentillesse, amour et pardon. Nous avons la possibilité de penser de cette manière, car nous avons la pensée de Christ. Après que nous savons que nous pouvons penser droitement, nous devons faire autre chose pour reprogrammer notre pensée. Mais tournons d'abord dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Paul nous donne ici un avertissement extrêmement important. Chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il parle ici de notre salut et de la manière dont le Christ a changé notre vie. Écoutez bien ceci. Cherchez, continuez de chercher les choses d'en haut, les choses célestes, les choses spirituelles. Paul nous exhorte à chercher ces choses et à continuer de les chercher. Il faut qu'elles constituent une priorité dans nos recherches. Que recherche le monde aujourd'hui? Le plaisir, la richesse. Or, l'apôtre Paul nous encourage. Continuez à chercher les choses d'en haut. Où ça? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Regardons maintenant le verset 2. Toujours dans Colossiens chapitre 3. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il nous encourage maintenant à rechercher les choses spirituelles. Si nous voulons ressembler au Christ, si nous voulons être des personnes sanctifiées, nous devons deuxièmement rechercher des choses sanctifiées. Nous devons fixer notre attention sur les choses d'en haut, sur Dieu, sur le Christ et non sur les choses de ce monde. Tournons maintenant dans le livre précédent. Philippiens, chapitre 4, et lisons le 8e verset. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, remarquez bien la fin de ce verset, soit l'objet de vos pensées. En d'autres mots, que vos pensées s'attardent à ce que Paul vient de mentionner, que votre contemplation ait pour objet ces choses, que votre méditation porte sur ces choses. Pensez et méditez-les en prenant le temps suffisant pour le faire. Sur quoi méditer? Sur des choses véritables et non pas vaines, des choses honorables et non dégoûtantes, des choses justes et non mauvaises. Laissez votre pensée s'étendre sur ces choses dignes. Si vous devez reprogrammer votre pensée, vous devez d'abord reconnaître que vous possédez la pensée du Christ, et ensuite, vous devez décider quel sera l'objet de vos pensées. Choisissez de méditer des choses qui sont sanctifiées, pures et justes. Vous pourriez me répondre, « Mais je vis dans un monde tellement pécheur, tellement méchant et vil. Cela, ne vous arrive-t-il pas de penser à ces choses ?» Bien sûr, ces pensées sont présentes autour de nous, et nous devons composer avec la réalité du monde, mais écoutez bien ceci. C'est une chose de penser à ce qui se produit dans nos rues remplies de violence et balayées par les crimes, mais c'est une toute autre chose de m'étendre sur elles, de fixer ma pensée sur elles et de les absorber dans mon être. C'est une chose d'avoir un cœur rempli de compassion pour des gens blessés, souffrants et qui doivent vivre toutes sortes d'épreuves et de peines dans leur vie. Et c'est une toute autre chose de me concentrer sur elles, de vouloir absolument savoir ce qui s'est passé exactement, de m'attarder sur ces choses et de les absorber. Si je dois m'étendre sur un sujet de pensée, pourquoi pas sur Dieu? Pourquoi ne pas fixer mon attention sur lui et penser à des choses droites et pures? Et c'est précisément quand ma pensée est droite et conforme à la pensée de Dieu que je suis le mieux placé pour atteindre avec compassion les gens dans le besoin, les aider avec amour, les encourager et les édifier. C'est quand ma pensée est droite et conforme à la pensée de Dieu que je peux aider des gens qui souffrent à cause de toutes sortes de circonstances. Pour cela, je dois d'abord me concentrer sur le Christ, me demander en tout temps « Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui l'honore? Que veut-il me donner présentement pour me faire grandir en lui? » Si on focalise sur Dieu, tout dans la vie finit par s'arranger, peu importe les circonstances difficiles et même horribles dans lesquelles on peut se trouver. Dieu sait comment travailler toute situation pour sa gloire et pour notre bien ultime. Si notre pensée est remplie de sa pensée, et si nous pensons à sa manière, alors nous agirons et nous parlerons en conformité avec lui, et notre caractère sera le reflet du sien. Mais nous avons la responsabilité de fixer nos pensées sur de bonnes choses. Il peut arriver que vous soyez tenté de penser à de mauvaises choses, mais ce sera votre choix. Vous pouvez vous demander à tout instant si vous voulez continuer sur cette voie ou si vous allez refuser l'accès à cette pensée. Votre pensée vous appartient et Satan ne pourra jamais la posséder. Il ne peut absolument pas contrôler la pensée d'un croyant, à moins que vous ne lui permettiez. L'incrédule peut être possédé par le démon. Le croyant, lui, peut être harcelé sataniquement, mais il ne peut être possédé par le démon. Votre pensée est votre espace privé. Vous pouvez décider de penser saintement, mais vous devrez vous concentrer. Troisièmement, pour reprogrammer notre pensée, nous devons filtrer nos pensées au travers du tamis de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Nous pouvons voir comment accomplir cela dans la deuxième épître aux Corinthiens, par exemple au chapitre 10, verset 5. L'apôtre Paul parle ici d'un sujet dont nous avons parlé récemment, les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que signifie « amener toute pensée captive » ? Prendre nos pensées et les tamiser ou à les filtrer à travers la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu et la volonté de Dieu sont une seule et même chose, mais j'utilise les deux expressions car la question est de savoir quelle est la volonté de Dieu et ce que dit la parole de Dieu. Si l'objet de ma pensée entre en contact avec la parole de Dieu et rebondit parce qu'il y a discordance entre les deux, je dois me défaire de cette pensée. Voilà ce que signifie « amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Mais si j'ai fixé ma pensée sur Dieu et si je focalise sur les choses d'en haut, cela ne veut pas dire que je flotte sur un petit nuage au-dessus des vaines considérations terrestres. Car alors, ma vanité me rendrait inutilisable pour l'œuvre du Seigneur. Non. Cela veut dire que je dois vivre dans ce monde avec les deux pieds sur terre, tout en ayant la pensée et le cœur fixés sur Dieu. Tout ce qui vient à nous doit être filtré par la pensée du Seigneur. Peu importe le sujet de notre pensée, nos finances, nos relations, le travail ou l'école, tout doit passer à travers le tamis de Dieu. Nous saurons alors si notre pensée est bonne ou mauvaise, sage ou folle. Car certaines choses peuvent n'être ni bonnes ni mauvaises, mais elles manquent de sagesse. Et si nous voulons marcher avec sagesse dans un monde qui en manque, nous devons filtrer nos pensées à travers la volonté et la parole de Dieu. Amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Cela signifie être en accord complet avec ce que Dieu pense d'une situation, peu importe la situation. Tous nos péchés proviennent d'une divergence d'opinion avec Dieu sur ce que nous devrions faire ou comment nous devrions agir. Si nous voulons vivre saintement dans le Seigneur Jésus, toutes nos pensées doivent donc être filtrées. Mais si vous décidez que vous êtes capable de vous débrouiller seul et de prendre vos propres décisions, qu'il n'est pas nécessaire de prier, libre à vous. Or, je puis vous garantir que vous prendrez la mauvaise décision plus souvent qu'autrement. C'est dans notre nature. Nous avons cette tendance naturelle à vivre indépendamment de Dieu. Nous avons tous la capacité de vivre indépendamment de Dieu. Et si Satan possède une forteresse en vous, il va piocher sur cet aspect de votre pensée de toutes ses forces et continuer à le faire. Quand il veut vous faire trébucher, il pénètre l'aspect de votre pensée où il exerce le plus d'influence et le fait remonter à la surface. Apprendre à filtrer nos pensées constitue un processus, une habitude qui s'acquiert avec le temps. Il faut amener chaque pensée captive, filtrer chaque pensée à travers la volonté de notre Père céleste. Car Dieu connaît chacune de nos pensées, il est donc inutile de chercher à les lui cacher. Prenons comme exemple l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Nous y trouvons une description très claire de la parole de Dieu au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible me permet de connaître l'opinion de Dieu sur tout et n'importe quoi. Elle s'y trouve sous une forme ou une autre. Mais comment vais-je connaître l'opinion de Dieu si je n'ouvre pas ce livre pour la découvrir? Il nous est donc très important de filtrer chacune de nos pensées avec ce livre. Quatrièmement, pour reprogrammer notre pensée, nous devons refuser certaines pensées. C'est un acte volontaire. On se rappellera que notre cerveau et notre pensée sont un espace privé. Ils vous appartiennent. Rien ni personne ne peut vous obliger à penser des choses dont vous ne voulez pas. Vous pouvez développer plusieurs formes de dépendance et rester accroché à toutes sortes de choses. Satan les utilisera pour vous rendre prisonnier et exercer son pouvoir sur vous. Ce sera votre faute, car vous aurez décidé de le lui permettre. Vous aurez pris la décision de lui ouvrir une porte et de le laisser bâtir une forteresse dans votre pensée. Mais vous avez également la puissance et le droit de prendre la décision de penser correctement. Et quand vous êtes prêt à dire « Très bien, Seigneur, nous allons faire les choses à ta façon. Je veux commencer à penser comme tu penses et je veux voir les choses selon ton point de vue. » Attendez-vous à ce qu'il réponde. « À la bonne heure! Maintenant, débarrasse-toi de ceci, de cela. » Vous rappelez-vous quand Jésus disait « Si ta main te scandalise, coupe-la. Si ton œil te scandalise, arrache-le. » Il n'est pas question ici de se couper littéralement les mains ou de s'arracher les yeux. Mais si quelque chose n'appartient pas à la vie qu'il envisage pour vous et qu'elle entrave la volonté de Dieu, débarrassez-vous-en. Et si vous avez des pensées ou des manières de penser qui font obstacle à votre relation avec Dieu, prenez la décision de ne plus y penser. Ce n'est pas toujours facile, mais nous avons maintenant le choix. Lisons à présent le psaume 101, en commençant par le verset 2. « Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Considérez cette phrase. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Il est écrit « rien de mauvais ». Pas seulement des choses visibles. Or, il s'agit également de refuser certaines pensées. Vous prenez la décision de refuser de regarder et d'écouter certaines choses. supposons qu'on vous raconte une histoire cochonne. Pensez-vous qu'un homme ou une femme de Dieu en rirait? Absolument pas. Car si cet homme ou cette femme de Dieu riait d'une telle blague, il ou elle propagerait l'idée fausse selon laquelle il ou elle pense comme le monde pense. Peut-être, me répondrez-vous, vous savez, je ne veux pas avoir l'air trop collet monté. Je ne veux pas passer pour un petit saint. Je me vois alors dans l'obligation de vous répondre que vous êtes un saint par la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous êtes meilleur que les autres, mais cela veut dire que vous êtes le sel et la lumière et que vous devez agir en fonction de ce que vous êtes. Nous pouvons décider de penser d'une façon sanctifiée et correcte, et la Bible nous ordonne de ne rien mettre de mauvais sous nos yeux. Cinquièmement, pour reprogrammer notre pensée, nous devons cesser de nous conformer au monde. Lisons l'Épître aux Romains, chapitre 12. Vous connaissez probablement ce verset par cœur, mais regardons-le une autre fois. Chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce verset vous encourage à arrêter de vous conformer aux autres et d'assumer une expression extérieure contraire à votre fort intérieur. Arrêtez de vous conformer au monde, à sa culture, et soyez transformés en laissant Dieu travailler dans votre vie pour que l'extérieur ressemble à l'intérieur. Lisons le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'expression « renouveler son intelligence » signifie que vous altérez votre façon de penser. Si vous ne savez pas comment vous pouvez y arriver, écoutez bien ceci. Vous renouvelez votre intelligence en changeant votre façon de penser et le contenu de votre pensée. Pour en savoir plus, tournons dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Par richesse, nous entendons plénitude. La parole de Christ déborde de nous. Comment donc renouvelons-nous notre intelligence? En refusant l'accès aux choses impies, injustes, impures, mondaines et à toutes ces idées tirées d'une philosophie athée dont notre culture est remplie et en les remplaçant par un festin de la parole de Dieu. La seule façon de penser comme Dieu pense, c'est de découvrir comment il pense. Et comment vais-je découvrir comment il pense? En lisant ce qu'il a dit sur lui-même et en comprenant la signification de ce qu'il disait quand il parlait de lui. La seule façon de renouveler la pensée est de la remplir de la parole de Dieu et de la pensée de Dieu en se demandant « Comment Dieu pense-t-il? Qu'a-t-il dit? Pourquoi a-t-il dit cela? » Et avec le temps, nous devenons imprégnés de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu et nous lui permettons de travailler dans notre vie. Avec le temps, nous perdons notre appétit pour les choses du monde. Ce qu'il nous offre perd de son attrait. C'est pourquoi il arrive que les gens soient sauvés et soient abasourdis par la transformation radicale de leur vie alors qu'ils étaient profondément enfoncés dans le péché. Jésus-Christ entre dans leur vie, les sauve, puis ils se mettent à lire la parole de Dieu et deviennent membres d'une église où ils apprennent à connaître la parole de Dieu. Ils considèrent alors leur ancienne vie et ont peine à même à se rappeler leurs anciennes façons de penser et leur ancienne façon de vivre. Ils ne veulent même plus y penser tellement cela les dégoûte. Pourquoi? Parce que leur ancienne vie était en totale contradiction avec leur nouvelle manière de penser qui est une manière sanctifiée, juste et en accord avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Comment ce processus commence-t-il? Il n'existe qu'une seule façon, se plonger dans la parole de Dieu et absorber sa vérité. en ouvrant la Bible, au lieu d'ouvrir le téléviseur, une revue ou un livre. En faisant de votre lecture biblique le sommet imminent, essentiel, prioritaire et primordial de votre vie. Toute votre vie tourne maintenant autour de votre Bible, et lorsque vous avez une décision à prendre, vous vous demandez désormais, « Qu'est-ce que Dieu en pense? Quelle est sa volonté? » Cela fait maintenant partie de votre façon de penser. Voilà à quoi rime un mode de vie juste et sanctifié. La prière n'est plus un effort, car votre pensée est tellement en accord avec la pensée de Dieu que vous savez ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui est sage, agréable. Vous avez complété la reprogrammation de votre pensée selon les voies de Dieu. Et c'est ce que notre Père recherche, des gens qui pensent comme lui et qui considèrent les choses selon son point de vue. Des gens qui désirent ce qu'il y a de meilleur dans la vie, c'est-à-dire de vivre dans la volonté de Dieu et selon la parole de Dieu. Changez dès maintenant votre système de pensée. Peu importe ce que vous avez fait au cours de votre vie, peu importe votre passé, si vous croyez en Dieu, vous pouvez changer. Mais dites-vous bien que ce changement n'aura lieu que si vous lisez et si vous appliquez la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Charles Stanley vous a encouragé à lire et à absorber quotidiennement les vérités contenues dans les Écritures. Et quand vous en aurez pris l'habitude, vous observerez de profonds changements dans votre vie. Si nous voulons vivre une vie sanctifiée, nous devons fixer notre attention sur des choses qui plaisent à Dieu. Romains, chapitre 8, versets 5 à 8, nous avertit. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.